Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une réussite signée Guillaume Canet. À la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains décide, malgré tout, de partir en vacances au bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leur certitude, leur culpabilité, leurs amours en seront ébranlés. Ils vont enfin devoir lever les petits mouchoirs qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges. Un accent pour des serviettes ? C'est pas, tu fais comme tu veux, moi j'en ai pris une. En même temps, on va faire du bateau, donc il y a de l'eau autour. T'es bien chez toi, hein, Jean-Louis, hein ? Il y a un mec que je connais qui est descendu en bagnole de Paris pour me voir. Bonsoir. Et voilà. Il veut dormir où, là ? Dans son cul. Pardon. Véro, ça, franchement, ça va, c'est bon. Si t'as envie de te boucher les artères, tu fais ce que tu veux, mais moi, je veux pas de ça chez moi. Combien de fois je vous ai dit de ranger le tuyau d'arrosage ? Et voilà. Voilà, et ça fait les traces jaunes. Bon. Un truc de dingue. Ça fait déjà plusieurs mois que je ressens un truc bizarre quand je te vois. J'ai même pas envie de pousser avec toi. Hein. Bon, peut-être que ça viendra. Non, mais ça va pas maintenant, quoi. Tu deviens complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin! Il continuait toujours ces conneries, là. Ah, il était complètement défoncé au moment de l'accident. Pourquoi t'as jamais voulu être avec moi, en fait? Chaque fois que tu te fais larguer, tu recommences. Léa! Mais qu'est-ce qui se passe avec Max? Les petits mouchoirs, un film de Guillaume Canet, un DVD Fox Pathé Europa.